Le chapeau de sans âme de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. Il y avait autrefois à Entrepierre, pays rocailleux comme le nom l'indique, un paysan qui possédait si peu, que ce n'était vraiment pas la peine. Pour tout avoir, un coin de terre très en pente avec moins de terre que de cailloux, pour demeure, une masure en ruine, pour amis, une chèvre et un âne qui faisaient leur bergerie et leur étable de l'unique pièce du logis. La masure, tant bien que mal, paraît de la pluie, le coin de terre, quand Dieu ne le grêlait point, donnait au bout de l'an quelques épis maigres, juste assez pour vivre. La chèvre, après avoir tout le jour couru au travers des lavandes, rapportait à la nuit en moyenne 1 litre de lait, et si le pauvre homme, cela lui arrivait une fois par mois, avait envie de se régaler d'un coup de vin, il s'en allait dans la montagne, coupait 12 fagots de genêt vert, les chargeait sur l'âne et descendait les vendre à la ville, où les 12 fagots rendaient 24 sous. Ce qui fait que, le soir, l'âne le ramenait vaguement gris, brimbalant au roulis du bas, mais joyeux et plein de courage pour boire de l'eau le restant des 4 semaines. Ce pauvre homme se trouvait heureux et n'enviait le bien de personne. Seulement, il avait des idées à lui et n'entrait jamais dans les églises. On l'accusait d'avoir dit un jour, au grand scandale de ceux qui l'entendirent, « Le bon Dieu, le voilà !» en montrant le soleil. Depuis, les dévotes racontaient qu'il avait vendu son âme au diable, n'attendant pas même, selon l'usage, l'heure d'agonie pour opérer la livraison, et tout le monde dans le pays l'appelait le « sans-âme », sobriquet qui d'ailleurs ne le fâchait point. Une après-midi, sans âme s'en revenait de son expédition mensuelle à la ville, jambes de ça, jambes de là sur sa monture, fier comme un artaban et fort peu taquiné de n'avoir plus son âme à lui. C'était la fête du village. La procession qui descendait et le sans âme qui montait se rencontrèrent. Comme le chemin se trouvait étroit, entre un grand rocher gris et un torrent qui roulait au bas du talus des flots d'eau claire, sans âme fit ranger son âne pour laisser passer. Malheureusement, sans âme ne salua point, moins par malice que par habitude. Les paysans de là-bas disent volontiers « bonjour », mais ne saluent guère. Le curé fend les rangs, rouge dans son surplis comme un bouquet de pivoine dans le papier blanc d'un cornet, et, d'un revers de main, jette à l'eau le chapeau de sans âme. « Un chapeau tout neuf, mes amis !» Sans âme, pour l'acheter, s'était précisément ce jour-là privé de boire ses fagots. Un chapeau en feutre collé, dur comme un silex et solide à porter le poids d'une charrette. Qui peut dire les émotions de sans âme ? Il vit, drame d'une seconde, le chapeau flottait sur l'eau bouillonnante, tourbillonner, s'emplir, puis disparaître dans l'écume fouettée d'un remous. Le curé riait, sans âme ne disait mot. Un instant, il regarda la petite barrette à pompons que le curé portait sur sa tonsure, mais cette tentation dura peu. La barrette n'avait pas de visière. Et sans âme, tête nue, remonta chez lui, tandis que la procession descendait au village. Le lendemain, les gens qui passèrent devant le petit champ de sans âme crurent d'abord qu'un curé piochait. C'était le propriétaire lui-même en train de rustiquer au soleil sous un large couvre-chef ecclésiastique. Le vieux sans âme, homme de rancune, était allé tout simplement attendre le curé à la promenade. « Pardon, excuse, monsieur le curé. « Vous m'avez noyé mon chapeau, il m'en faut un autre. Donnez-moi le vôtre. » Le paysage était pittoresque, mais solitaire, et le curé avait donné son chapeau. Les malins essayèrent bien de railler sans âme sur l'extravagance de sa coiffure. Lui se déclara ravi de l'échange, affirmant que rien n'est commode comme un chapeau de curé avec sa coiffe ronde et ses larges bords pour garantir à la fois des rayons trop chauds et de la pluie. La joie de sans âme ne dura guère. Dès le surlendemain, le curé qui avait réfléchi le sommait par huissier d'avoir à lui rendre le chapeau. « Pas du tout, » dit sans âme. « On ira samedi prochain en justice, le chapeau est mien d'ici là. » Ce fut une fête à la ville quand, 5 jours après, sans âme arriva, coiffé d'un chapeau de curé, avec ses fagots et son âne. Sans âme vendit les fagots, but 12 sous sur 24, et puis se rendit au prétoire. « Audience, chapeau bas !» glapit l'huissier. Injonction superflue au moins pour sans âme, car, en apercevant le curé, son premier mouvement avait été de fourrer l'objet du litige sous la banquette. Le juge de paix conclut à la conciliation. Sans âme avait eu tort, le curé aussi. Sans âme rendrait le chapeau et le curé lui en payerait un autre pareil à celui qu'il avait noyé. « C'est juste, » dit sans âme, en tendant au curé sa coiffure. Mais le curé recula d'horreur. On ne sait pas ce que 8 jours de vie paysanne peuvent faire d'une coquette coiffure de curé. Hérissé, cabossé, souillé, rougi par le soleil, amolli par la pluie et battant des ailes sous ses brides lâches comme un corbeau près d'expirer, le chapeau n'avait plus forme humaine. « Puisqu'il ne le veut pas, je le garde, » dit sans âme. Et, fièrement, il remit sur sa tête ce chapeau maintenant bien à lui. Dès lors, à ce que dit la légende, il ne se passa pas un jour sans que l'heureux paysan ressentît les effets miraculeux de la sacro-sainte coiffure. Le ciel fut dupe et, trompé sans doute par le vieux emblème qu'elle ne pouvait d'ailleurs apercevoir que par en haut, la Providence semblait se plaire à faire pleuvoir sur l'intrigant qui s'emparait la rosée de ses bénédictions. Un orage ravageait-il le pays ? Il épargnait le champ de sans âme. Sans âme engrangeait tous les ans double récolte. Sans âme faisait des héritages. Sans compter que, son procès l'ayant rendu populaire, les ménagères ne voulaient plus d'autres fagots que les siens, ce qui l'obligeait à aller se griser 2 fois par semaine à la ville au lieu d'y aller 1 fois par mois. Enfin, tout couvert de son chapeau dont il ne voulut pas se séparer un seul instant au cours d'une vie qui fut longue, sans âme s'éteignit doucement entre sa chèvre et son âne, riche, honoré, rempli de jours et obstinément béni du ciel sans avoir jamais consenti à se réconcilier avec l'Église. De là le proverbe si connu là-bas. C'est la religion de sans âme qui faisait la nique au bon Dieu dessous un chapeau de curé. Tiré 2, Conte de Provence.